tu me demandes de choisir ce qui compte, c'est soit toi, soit le monde. Je te dis que je veux les deux, que pour moi ça va ensemble. T'es persuadé que je mens. J'irai bosser comme un esclave, la lunette en chemin reste là. Désolé ma chérie, je veux des gosses de riches comme le boss de Tesla. J'ai loupé quelques restos, j'irai t'acheter le resto. J'en pas pour faire le beau, l'avenir appartient à ceux qui misent gros. J'ai trop tourné sur Paris, à la recherche du réalisme. Bébé, dès que je te donne le go, on décale aux Maldives sans valise. Oublie le rêve des caries, je suis congolais comme Kofi. Bébé, pour ton loqueto, j'irai chercher le soleil à minuit et la guitare, je suis la mélo, je suis la mélo, je suis la mélo, la guitare, je suis la mélo, t'es la guitare, je suis la mélo, je suis la mélo, je suis la mélo, la guitare, je suis la mélo. Tous les jours tu me demandes de choisir ce qui compte, c'est soit toi, soit le monde. Si je te dis que je veux les deux, pour moi ça va ensemble, je suis persuadé que je mens. Oh, oh, oh, toxique sucré comme un soda. Je l'allège plus la longe sur le sofa. Toxique sucré comme un soda. Trop pour moi, je pense à toi quand tu penses à moi. Je sais, y'a toujours ce qu'il faut pour ta teuf. On fait des brésiliennes avec la meuf. Obsédé par l'argent, j'ai vendu la fête. On sait que quand j'apparo, baby sort le neuf. Fume son bédo, fume son bédo, fume ses opposants. C'est la guitare, je suis la mélo, je suis la mélo, je suis la mélo, la guitare, je suis la mélo. Et tous les jours tu me demandes de choisir ce qui compte, c'est soit toi, soit le monde. Si je te dis que je veux les deux, pour moi ça va ensemble, persuadé que je mens. Que je l'aime. Oh, tu veux la pousser dans le merco, ton cœur et ton recours. On peut s'aimer sans mais je préfère plusieurs zéros. Toujours au rang de reine, si je dois dire les termes, je veux rendre réel ce que tu vois la nuit quand tu rêves.